Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous plutôt rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. C'est donc 21h sur ta pente, hein, comme d'habitude, on attaque vraiment pile à l'heure. Sur le Radioactive 100FM ou radio-active.net. Aujourd'hui, bah, ça va être un peu différent, c'est-à-dire il va pas y avoir trop de musique bizarre, pas trop de punk, pas trop de rock. Pourquoi? Parce que c'est une spéciale New Wave, vous savez, cette nouvelle vague qui est apparue finalement presque en même temps que le punk, avec beaucoup de synthé, des choses plutôt sympathiques. Et on va donc faire un long retour en arrière vers la fin des années 70, avec des groupes qui vont continuer après dans les années 80, voire même plus tard, donc préparez les synthés, vos belles coupes de cheveux et vos plus beaux vêtements parce que ça va danser. Allez, c'est parti. We'll be right back.

Certains qualifient ce courant d'autonome car il marquerait ses distances envers les organisations d'extrême gauche et libertaire. C'est exact, mais le terme est vague car l'autonomie historique a pris des formes variées, comme par exemple celle de l'autonomie ouvrière dans l'Italie de la fin des années 60 et du début des années 70, qui vit les jeunes prolétaires du Sud refuser la discipline des grandes usines du Nord et déborder les revendications traditionnelles du mouvement ouvrier. À l'évidence, il ne s'agit pas de cette autonomie-là dont parlent les insurrectionnalistes, puisqu'elle concernait surtout l'insubordination ouvrière et prolétaire. S'agit-il alors de l'autonomie diffuse qui parcourt l'Italie des années 74-79, avec 1977 comme point d'orgue ? happy. He must be happy in his world. I know my mind is made. La référence concrète à 1977 est très présente, même s'il est difficile de savoir si elle est théorisée ou s'il s'agit d'une simple fascination pour la violence de l'époque ou encore d'une façon de se rattacher à une forme générale d'opposition de la part des jeunes prolétaires et étudiants précarisés. Si ce courant se situe effectivement dans la continuité d'une partie de l'autonomie diffuse, c'est par contre dans une période qui se caractérise par l'absence de contexte pré-révolutionnaire. Nous pouvons même avancer qu'implicitement au moins, il s'exprime dans la conscience que le temps des révolutions est terminé. Back at Echo Beach someday. tall building in the distance, surrealistic sight. On Echo Beach, waves make the only sound. On Echo Beach, there's not a soul around. From 9 to 5, I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. The things I bien comprendre le renouveau insurrectionnaliste de ces dernières années, il nous semble nécessaire de remonter à ce qu'il a inspiré récemment du point de vue théorique, la revue Tikkun. Cette revue a repris entre autres des aspects des théories de Carl Schmitt, notamment sur la guerre civile mondiale, et sur l'idée que le politique doit d'abord permettre la distinction entre amis et ennemis. Une guerre civile mondiale, entre guillemets, issue du déclin des guerres entre États-nations, conduirait à une guerre totale, là aussi entre guillemets, prenant la forme de la guerre de guérilla. Dans cette guerre révolutionnaire, forcément asymétrique, les partisans cherchent à subvertir et transformer la société, et non à remporter une victoire sur ce qui ne serait qu'un ennemi extérieur. Thank you. Le concept de guerre civile, très utilisé dans Tycoon, a aussi une histoire. Bakounine, dans l'Empire Knuto-Germanique de 1871, emploie le terme de guerre civile pour deux mouvements qui semblent au premier abord opposés, mais qui s'avéreront par la suite complémentaires. Tout d'abord, elle prend la forme de la guerre civile comme lutte de factions pour la prise du pouvoir au sein de l'État, mais il s'ensuit un affaiblissement de l'État qui favorise, dans un deuxième temps, l'apparition de la guerre civile populaire, visant, elle, à détruire la machine d'État et à instaurer le règne de la liberté dans la société. Dans tous les cas, la position de Bakounine était donc réductible à l'idée suivante « mieux vaut le désordre que l'ordre », même lorsque les objectifs du dit désordre ne sont pas les nôtres. Car de l'ordre, il ne peut sortir en principe que plus d'ordre, jamais la révolte. Cette idée de Bakounine est largement reprise par les insurrectionnalistes. I'm not the man of the moon, I'm not the man. I don't mind you coming here, wasting all my time. 'Cause when you're standing oh so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. Tikkun affirme que la guerre civile en cours est en réalité une guerre continue contre la population et qu'elle prend la forme d'une pacification armée, œuvre d'une contre-insurrection proche de l'action des forces de répression colonialistes. En se perdant dans ses comparaisons historiques, Tikkun, dans Comment faire, oublie complètement la dynamique de restructuration du capital qui se met en place après les défaites de la révolte de la jeunesse et de l'insubordination ouvrière des années 60-70. Or, les mouvements des années 60-70, y compris les mouvements de libération nationale dans lesquels pouvait jouer le concept tikkunien de guerre préventive, ont été battus et c'est le capital qui fait sa révolution. Stars come out. Rise and rise. En fait, Tikkun est obligé de forcer l'analyse en faisant exister comme prémisse à tous ses développements l'existence d'une réalité insurrectionnelle déjà présente, d'où l'emploi du terme de guerre civile. En effet, dans un premier temps, entre 1945 et 1975, l'État politique s'est fait État social sans sacrifier sa première fonction à la seconde, ce qui lui a permis de résister au dernier assaut prolétarien et au mouvement de lutte armée. Dans un deuxième temps, l'État-nation se fait État-réseau, dans lequel les institutions sont résorbées ou s'autonomisent afin de prendre des formes plus contractuelles, plus flexibles sur le modèle du marché et d'être toujours prêtes à s'adapter à la nouvelle donne impulsée par le capital. L'État est donc devenu très fort en tant qu'État du capital, à l'intérieur d'une société capitalisée qui n'a pu s'instaurer qu'après une véritable révolution du capital, une révolution qui n'est pas essentiellement économique, mais surtout anthropologique.

appropriate. A child. There's a clear leader. Le capital apparaît alors comme un monstre qui vampiriserait la vitalité des individus et en transformerait la plus grande partie en zombies, à l'exception de quelques irréductibles dont on se demande bien alors comment ils sont produits et comment ils échapperaient à la structure de domination. Le capital est réduit à une structure et l'analyse du rapport d'interdépendance capital-travail est abandonnée. Oh, pouvoir ne devient pas plus autoritaire, mais c'est l'emprise de la capitalisation sur les rapports sociaux et les individus qui devient généralisée. Nous pensons en effet que la tendance réelle à une criminalisation des luttes provient bien plus de la faiblesse quantitative de ces luttes que d'une variation dans l'intensité de la répression. Erscheint, weiße Schlacht, steril, Es scheint, weil es stand, aus am Tag, Lust in der Nacht. Steril, Monotonie, steril, Monotonie, kaum Alltag. Steril. Monotonie. Es scheint. Es ist Stadt. Steril. Monotonie. Arbeit am Tag. Lust in der Nacht. Grauer Alltag. Bunte Nacht. Es scheint. Steril. Monotonie. Steril. Steril. Steril. Steril. Sky! Ceci une fois posé, nous pouvons nous intéresser aux différentes manières dont cette première élaboration de la guerre en cours a pu être interprétée. En effet, les thèses qui sont au centre de la réflexion de Tikkun sont passées en partie dans l'appel pour se retrouver finalement dans l'IQV, formant ainsi progressivement une sorte de corpus théorique et politique qu'il suffirait d'appliquer comme si la cohérence entre les prémices théoriques et les perspectives pratiques allait de soi. Ainsi, la surestimation du caractère insurrectionnel de tout événement couvre en réalité le fait que la définition de l'insurrection y est très peu développée et dépend bien souvent de l'appréciation de chaque individu ou de chaque petit groupe, dans la mesure où il s'intéresse aussi bien à la question de la forme qu'à celle du contenu de ladite insurrection, ainsi que l'exige la métaphysique critique de Tikkun. Yeah. Wasteless, we can go. of your eyes turn red. The calendar on your wall is ticking. The days off you've been reading some old letters. You smile and think how much you've changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is a day your life will surely change. This is a day when things fall into play. You could have done Scotché. Pour une fois, je lui avais cloué le bec. Sans attendre la réponse, je piquais du nez dans mon livre, histoire de me donner une contenance, en faisant semblant de ne plus le calculer. J'espérais sans doute que ma vanne ait marqué le coup, mais franchement, je me trompais que moi-même. La preuve par les actes, l'instant d'après, je sentis mon livre m'échapper des mains. J'avais encore perdu une occasion de la boucler. Rien de bon ne pouvait arriver en se frottant à un taré du genre de Mathias. she sits there waiting, fingers dancing, waiting for a lunch engagement. It's 1:30, and still no sign. Oh, what torture! How sublime. Tumbling down. Passy-Inifel, 8 novembre 1903. Si les pages qui vont suivre voient un jour la lumière du soleil, c'est qu'elle m'aura été ravie. Le délai que je fixe à leur divulgation m'en est assez sûr garant. Cette divulgation, qu'on ne se méprenne pas sur mon but quand je la prépare, lorsque je la réclame. On peut me croire si j'affirme que je n'attache aucun amour-propre d'auteur à ce cahier fiévreux. D'ores et déjà, je suis loin de toutes ces choses. Mais vraiment, il est inutile que d'autres s'engagent sur la route par laquelle je ne serai pas revenu. Today.

4h du matin. Bientôt, l'aurore va mettre sur le Hamada son incendie rose. Autour de moi, le Borge sommeille. Par la porte de sa chambre entrouverte, j'entends la respiration calme, si calme, d'André de Saint-Avit. With a slow walk, and what did you say? And where do you stand? By what do you play? Make a big stage super sale with somebody sold. Here we have your Paris dance, so shamelessly she can train my life. It's simply a sensation. We always have been ahead of our time. We gotta make Zweifel an diesem Fakt. Doch Galilei bekam Probleme zu beweisen, was heute eben selbstverständlich ist. Fakten sind Terror im täglichen Irrtum. Fakten sind Terror im täglichen Irrtum. Fakten, prüf sie. Fakten, prüf sie. Fakten, prüf sie. Fakten sind Terror. Dans deux jours, lui et moi, nous partons. Nous quittons le Borge. Nous nous enfonçons là-bas, vers le sud. L'ordre ministériel est arrivé hier matin. Yeah.